La fibre de SFR débarque chez Monsieur Ultra Rapide. Ah, vous savez, nous, on aime quand ça va vite, et avec la fibre à la maison, ça va très vite. Je stream mes séries avant tout le monde, mon fils est le plus rapide sur les jeux en ligne, ma femme écoute de la musique en supersonique, je stream des séries, mais ça, j'ai déjà dit. Ah, et on peut aussi télécharger, on peut faire... C'est le moment de passer à la vitesse de la fibre. Jusqu'au 27 avril, la fibre de SFR est à seulement 15 euros par mois pendant un an, puis 38 euros. Rendez-vous sur sfr.fr. Offre soumise à condition d'éligibilité réservée aux nouveaux clients. Box mise à disposition, engagement 12 mois, frais d'ouverture de service 49 euros. Bonjour, c'est Fabrice Drouel. Je vous propose, en attendant de revenir très vite avec des épisodes inédits d'Affaires Sensibles, bien sûr, de redécouvrir les fameux rendez-vous avec X. Cette émission culte de Patrick Penaud va vous permettre de pénétrer dans de nombreuses affaires sensibles dans les coulisses des services secrets français. La chasse aux sorcières, menée dans un climat hystérique par un sénateur alcoolique, elle a bouleversé l'Amérique de l'après-guerre. Des hommes ont vu leur carrière brisée et ont subi l'opprobre de leurs concitoyens. D'autres, d'origine étrangère, ont été contraints à l'exil et certains ont dû dénoncer leurs proches, leurs amis. L'émergence du McCarthyisme, comme on l'a appelé du nom de ce sénateur imprécateur, a coïncidé avec le début de la guerre froide. Un homme déjà tout puissant au sortir du conflit mondial a joué un rôle considérable dans la mise en place de cette campagne anticommuniste, John Edgar Hoover, directeur du FBI en poste depuis 1924. Peut-être même en a-t-il été le véritable chef d'orchestre. Dans un premier entretien, M. X a retracé la jeune carrière de ce redoutable policier qui n'a jamais redouté de mettre en scène ses exploits et ceux de ses agents spéciaux, les fameux incorruptibles. D'où sa grande popularité et son maintien à la direction du FBI en dépit des méthodes inquiétantes qu'il a généralisées. Maniaque du fichage, Hoover espionne, ne craint pas de violer les droits civiques de ceux auxquels il s'attaque et lorsqu'il le faut, se livre au chantage en utilisant les dossiers confectionnés par ses services. Malgré ses excès, le patron du FBI se sent invulnérable, surtout depuis que le président Roosevelt a commis l'erreur de lui confier juste avant guerre la possibilité de mener aussi des enquêtes politiques. Dans un instant, la suite du récit de Monsieur X. Put a spell on you. Cause you're mine. Do, do, do, do, do, do, do, do. You better stop the things you do. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine. You're mine. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. La grande affaire qui préoccupe d'abord Edgar Hoover, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est de mettre la main sur l'ensemble de la sphère du renseignement. Oui, parce que pendant la guerre, m'avez-vous dit, hein, il a subi une sorte d'échec. Ah oui, la création de l'OSS, un service de renseignement et d'action dont la direction a été confiée par Roosevelt au colonel William Donovan. Et qui lui a donc échappé. Oui, enfin, je vous ai expliqué pourquoi le président avait de bonnes raisons de prendre ses distances avec le patron du FBI. Après la guerre, la question du renseignement se pose à nouveau. Oui, parce qu'il me semble me rappeler que l'OSS a été dissoute. En effet, oui. Mais à Washington, nombreux sont ceux qui pensent que les États-Unis ne peuvent plus se passer d'un service civil de renseignement extérieur. Service civil, hein. Et service qui n'existait pas avant la guerre. C'est ça, oui. Enfin, presque naturellement, le président Truman pense confier à Donovan, élevé entre-temps au grade de général, le soin de concevoir et diriger ce nouveau service. Mais dès que Hoover prend connaissance des intentions du président, il décide de se battre. Il considère en effet que le FBI, qui a déjà mené avec succès plusieurs opérations de contre-espionnage, est parfaitement capable d'assumer des missions à l'extérieur du pays. Et puis, il met en avant l'intérêt d'avoir un service de renseignement unifié. Un argument qui n'est pas négligeable. Oui. Enfin, Truman, comme son prédécesseur Roosevelt, se méfiait de Hoover comme de la peste. Oui, mais c'est... Alors, pourquoi ne l'a-t-il pas viré ? Au fond, il en avait le pouvoir, non ? C'est parfaitement vrai, mais c'était risqué, car Hoover possédait des dossiers. Des dossiers sur Truman ? Effectivement, oui. Au début de sa carrière politique au Kansas, Truman avait disposé du soutien d'un politicien local lié à la mafia. Ah ouais, alors, donc, encore une fois, Hoover pouvait exercer un chantage. Ouais, enfin, la menace était à double tranchant. Si Hoover lui déclarait la guerre, le président pouvait riposter en révélant, par exemple, la grande faute commise par le patron du FBI en 1941. Ouais, l'affaire de Pearl Harbor. Oui, ouais. Le fait qu'un espion lui avait fait savoir que les Japonais allaient attaquer cette base navale. Une précieuse information qu'Edgar Hoover avait omis de transmettre à la Maison-Blanche. Puis il y avait aussi la vie privée du directeur du FBI. Oui, sa probable homosexualité. Par conséquent, Truman pouvait résister. Et c'est ce qu'il a fait en décidant la création d'une agence de renseignement extérieur qui deviendrait bientôt la CIA. La CIA, là, c'est un revers pour Hoover. Incontestablement. Désormais, le FBI ne peut plus effectuer d'opérations hors du territoire des États-Unis. En tout cas, la création de la CIA engendrera une rivalité permanente entre les deux services. Rivalité, on l'a vu encore récemment, qui persiste, hein, toujours. Oui. Vaincu, Hoover se lance alors avec frénésie dans ce qui va maintenant constituer une grande partie des activités du FBI, la lutte contre le communisme. Oui, parce que l'ex-allié soviétique est devenu le nouvel ennemi. Hein. L'URSS est soupçonné. Non sans raison, me direz-vous, d'espionner les États-Unis, mais aussi de mener des actions de subversion. Hoover, qui a toujours professé un anticommunisme virulent, pousse les feux. Il obtient même, de son supérieur direct, le ministre de la Justice, l'autorisation d'arrêter préventivement les communistes américains en cas de difficulté avec l'URSS. Ce qui veut dire qu'il faut au préalable repérer tous les communistes et leurs compagnons de route. Oui, les sympathisants, mais... Ne m'avez-vous pas dit la semaine passée que le FBI avait déjà commencé ce travail de fichage avant la guerre ? C'est exact. Avec l'accord de Roosevelt, il faut le souligner. Ouais, ça, c'est bizarre. Ouais, bon. Enfin, l'URSS étant devenue une alliée pendant la Seconde Guerre mondiale, ses opérations avaient cessé. Très provisoirement, donc. Mais au fait, combien y avait-il de militants communistes aux États-Unis ? Le FBI, toujours lui, a estimé qu'au plus fort de la guerre, étant donné l'enthousiasme suscité par le succès de l'armée rouge, le Parti communiste américain devait rassembler quelque chose comme 80 000 membres. Mais à la fin de la guerre, je suis sûr que ces effectifs ont dû fondre. Et puis, il faut tenir compte d'une donnée essentielle. Pour Hoover et tous ceux qui partageaient ces idées extrémistes, la notion de communiste était très extensible. C'est-à-dire ? Il suffisait d'être un intellectuel étranger aux convictions libérales ou encore d'être athée et non conformiste. Bref, d'appartenir à une catégorie d'individus qui n'avaient pas leur place dans la bonne société puritaine et patriotique qui avait les faveurs de M. Hoover. En tout cas, à l'échelle des États-Unis, c'est quoi ? Quelques milliers de communistes, encartés ou pas ? C'est bien peu. Et ces militants ne menaçaient ni le système politique états-unien, ni même la capacité de production industrielle. Par contre, il est vrai que certains de ces communistes pouvaient se livrer à des opérations d'espionnage. On en aura un peu plus tard la preuve avec les Rosenberg, par exemple. Oui, mais enfin, est-ce que tout ça l'a justifié, ce fichage systématique? Non, ne serait-ce que parce que c'était une grave atteinte aux libertés individuelles. Songez que plus de 20 000 noms de communistes, ou supposés tels, ont été introduits dans les fichiers d'Edgar Hoover. Journalistes, écrivains, syndicalistes ou encore professeurs figurent dans ce fichier. Un fichier très perfectionné grâce au système de cartes perforées d'IBM. Mais d'accord, que faire de ce fichier, hein ? Attendez, voyons d'abord le contexte politique. C'est dès novembre 1945 que Hoover passe à l'offensive. Il fait alors parvenir à la Maison-Blanche une liste d'une douzaine de hauts fonctionnaires états-uniens coupables d'avoir fourni des renseignements sensibles aux soviétiques. Ouais, il donne le ton, ça. C'est le vrai lancement de la campagne anticommuniste aux États-Unis. Et le président Truman, quoi qu'il en ait, est quasiment obligé de suivre, même s'il a refusé de prendre au sérieux ces accusations. Alors, vous laissez penser que Truman, lui, n'était pas véritablement effrayé par la menace communiste ? Il pensait que tout cela était exagéré. C'était un démocrate modéré. Mais il était harcelé par ses adversaires républicains et par l'opinion, chauffé à blanc par la propagande anticommuniste. Alors, en 1947, il a fini par ordonner que tout nouveau fonctionnaire soit soumis à un test de loyalisme. Ça veut dire qu'on vérifiait qu'il n'était pas communiste? Bien entendu. Et s'il apparaissait comme pouvant être suspect, il devait comparaître devant une commission créée à cet effet. Toutefois, cette procédure n'a nullement satisfait Hoover. Oui, parce que... Je me mets à sa place, il voulait contrôler cet organisme. Évidemment. Il a fait tant et si bien, en faisant pression sur la commission des activités anti-américaines du Congrès, qu'il a obtenu satisfaction. Contre le président, contre Truman, donc. Oui, avec l'appui d'un jeune membre de la Chambre des représentants, un certain Richard Nixon. Ouais. Le futur président sera en effet un acteur de premier plan de la chasse aux sorcières qui va bientôt enflammer l'Amérique. L'acte suivant se produit en 1948. Un journaliste, Whittaker Chambers, qui n'est pas sans lien avec le FBI, dévoile une liste de 75 hauts fonctionnaires qui auraient livré des informations aux soviétiques tout au long de la Seconde Guerre mondiale. Et parmi eux, il y a des personnages de premier plan, dont plusieurs collaborateurs de ministres influents. Mais il y a Alger Hiss, par exemple. Type qui était membre de la délégation états-unienne à Yalta. Et qui a aussi représenté son pays lors de la conférence créatrice de l'ONU. Mais je crois vous avoir déjà parlé de cette affaire, il y a pas mal de temps. Oui, bien sûr. Bon, alors n'y revenons pas. Quoi qu'il en soit, la révélation de ces 75 noms fait les beaux jours de la presse américaine et va alimenter une véritable psychose aux États-Unis. Oui, on voit des communistes partout. C'est à peu près ça, oui. Ouais. Ça permet à un obscur sénateur, Joseph McCarthy, de sortir de l'ombre et de prendre la tête d'une véritable croisade anticommuniste. Et alors, d'après vous, Hoover se trouve derrière lui ? Il ne lui ménage pas ses encouragements et son soutien. Mais ce n'est qu'une supposition, c'est... Peut-être lui qui a suggéré à McCarthy de s'attaquer en priorité à ce qui brille. Quoi, ce qui brille, c'est Hollywood, c'est ça ? Évidemment, avec la complicité d'hommes comme Walt Disney ou encore Ronald Reagan, qui était alors l'un des dirigeants de la Guilde des acteurs. C'est-à-dire le syndicat des acteurs, c'est ça. Et le but alors, c'était quoi ? C'était de donner le maximum de retentissement à cette campagne anticommuniste ? Bien sûr. C'est ainsi, mais enfin, je ne vous apprends rien, que des artistes aussi connus que Joseph Losey, Elia Kazan, John Huston, Charlie Chaplin ou encore Jules Dassin vont être mis sur la sellette. Interrogés, inquiétés, emprisonnés et surtout chassés d'Hollywood par les grands studios. Certains, contraints au chômage, vont choisir l'exil et quelques-uns le suicide, hélas. D'autres, malheureusement, craquent. Et acceptent d'être témoins à charge contre leurs camarades. Ah oui, l'exemple le plus connu, c'est Kazan. Oui, il ne s'en mettra jamais. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que cela va déchaîner une campagne de délation comme les États-Unis n'en ont encore jamais connue. France Inter, rendez-vous avec X. Le plus grand salaud d'Amérique. Tel est le titre, en français, du livre que le journaliste Anthony Summers a consacré à John Edgar Hoover. Un livre sans concession dont j'extrais ces quelques lignes à propos de la chasse aux sorcières. Quelques-uns des plus célèbres écrivains d'Amérique devinrent des cibles du FBI. Certains, comme Dashiell Hammett, avaient bien eu des liens dans le passé avec le marxisme. Ils furent pris en filature et leur courrier fut ouvert. Quant à Hammett, vétéran des deux guerres, mourut, le FBI intervint pour qu'il ne soit pas enterré au cimetière d'Arlington. De nombreux autres n'avaient eu aucun rapport avec le marxisme, mais ils n'en furent pas moins l'objet d'enquêtes. Le dossier de la romancière Pearl Buck, prix Nobel, est épais de 400 pages. Les agents ouvrirent également son courrier, bien que sa seule activité subversive ait consisté à écrire sur le racisme et à faire partie de l'Union des libertés civiques. Nous savons maintenant que Hoover gardait des dossiers sur le prix Nobel Thomas Mann, sur Erskine Caldwell, Sinclair Lewis, William Saroyan. Le FBI catalogua Ernest Hemingway, gauchiste et imposteur, et avait également un dossier sur sa femme, Mary. John Steinbeck inquiétait le FBI parce qu'il décrivait le côté le plus misérable et sordide du mode de vie américain. Ainsi, Kerwin Shaw, Aldous Huxley, Arthur Miller, Tennessee Williams et Truman Capote. D'autres dossiers concernaient les peintres et les sculpteurs, y compris Henry Moore et même Picasso, qui n'avait pourtant jamais mis les pieds aux États-Unis. Les grands savants furent aussi visés. Et nous le savons, puisque M. X a déjà évoqué cette affaire lors d'un entretien passé, Einstein lui-même était suspect aux yeux d'Edgar Hoover. Cette campagne de délation dirigée par l'inquisiteur McCarthy et alimentée en sous-main par le FBI empoisonna durablement le climat politique des États-Unis. Car évidemment, tous ceux qui s'opposaient à cette frénésie de dénonciation devenaient suspects eux-mêmes. Et le président Truman dut en personne demander à la radio que chaque citoyen signale les activités délictueuses qu'il pouvait observer autour de lui. Et il a fait adopter en 1950 l'Internal Security Act, qui étendait encore les pouvoirs du FBI. Des pouvoirs qui étaient pourtant déjà exorbitants et permettaient de placer n'importe qui sur écoute. Quand même, à plus petite échelle, ça fait quand même penser à ce qui s'est passé en URSS. À plus petite échelle, il faut le reconnaître. Mais est-ce qu'il y avait un début de justification derrière toutes ces mesures attentatoires aux libertés et aux droits civiques, hein? Je ne veux pas donner l'impression de voler au secours du patron du FBI, mais il est vrai que la réalité de la pénétration soviétique aux États-Unis avait sans doute été sous-estimée. Profitant de la guerre, Moscou avait implanté un réseau d'espionnage très performant qui a permis à l'URSS de construire sa première bombe atomique dès 1949. Mais pour autant, l'opinion états-unienne n'était pas prête à céder aux tentations de l'idéologie communiste, bien au contraire. Alors, ça veut dire qu'il y a eu manipulation politique, enfin, exagération. Oui, c'est évident. Et un paranoïaque comme McCarthy rêvait au fond d'édifier aux États-Unis une sorte d'État totalitaire de droite. Et Hoover, lui, alors? Il n'était pas loin de penser la même chose. D'ailleurs, pendant un temps, il a espéré pouvoir briguer l'investiture pour être lui-même candidat à l'élection présidentielle. Du côté républicain, j'imagine. Bien entendu. Mais lorsque le général Eisenhower a proposé sa propre candidature dès 1952, il a prudemment renoncé. Alors, bon, fermons cette douloureuse page de la chasse aux sorcières et disons simplement que McCarthy, alcoolique au dernier degré, finira lamentablement sa carrière politique, lâché par ses anciens amis, à commencer par Hoover. Alors, maintenant, intéressons-nous à un chapitre encore plus sulfureux de la vie du directeur du FBI. Ça doit être gratiné, si vous me permettez cette expression un peu triviale. Bon, je veux parler des relations de Hoover avec le gangstérisme. Je vous l'ai dit lors de notre précédent entretien, le tout jeune directeur du FBI a construit sa popularité sur les succès qu'il a remportés dans la lutte contre la pègre, essentiellement à l'époque de la Prohibition. Et grâce à ses fameuses incorruptibles. Oui, notamment. Et à la presse aussi, qui n'a jamais manqué de mettre en valeur ses exploits. Toutefois, très curieusement, Hoover a ensuite nié toute existence d'un crime organisé. Il a par exemple exclu publiquement qu'une organisation comme la Cosa Nostra puisse régner sur la pègre et mettre en coupe réglée la plupart des activités criminelles, du jeu à la prostitution en passant par le racket et le trafic de drogue. Et c'est effectivement très curieux et ça mérite bien sûr une explication. Bah écoutez, la première qui vient à l'esprit est celle-ci. Hoover est tellement obsédé par la lutte contre la subversion communiste que son combat contre le crime passe au second plan. Et d'ailleurs, prétend-il, ceux qui lui demandent de s'engager contre la soi-disant mafia tentent de le détourner de son devoir, qui est d'abord de juguler la menace communiste. Ah oui, alors bref, ces gens-là sont donc eux-mêmes des suppôts du communisme. C'est à peu près ça, ouais. Ouais. C'est quand même complètement caricatural. Ah mais je n'invente rien. Et quand on ose lui parler de la mafia italienne, Hoover prend la mouche et affirme sérieusement que les criminels qui sévissent aux États-Unis sont d'authentiques Américains qui portent de vrais patronymes anglo-saxons. C'est un curieux nationalisme. Enfin, c'est de l'aveuglement ou de la complaisance? Oh, certainement pas de l'aveuglement. Edgar Hoover sait très bien à quoi s'en tenir. Et pour une bonne raison. Il connaît personnellement les patrons de la mafia. Bah, il les protège alors. Bon, écoutez, n'allons pas trop vite. Hoover, en dehors de son obsession quasi maladive du communisme, veille sur le FBI comme une mère poule sur son enfant. Et il cherche en permanence à lui procurer des moyens supplémentaires. Des moyens et de l'argent, bien sûr. Or, pour obtenir plus de subsides, bah, il faut présenter aux sénateurs et aux représentants des statistiques flatteuses. Et de ce point de vue, il est plus facile, en tous les cas plus médiatique aussi, de s'attaquer aux crimes ordinaires, enlèvements, vols à main armée, escroqueries, meurtres passionnels, que d'entreprendre de longues et hasardeuses enquêtes sur la mafia. Alors son choix, si je vous entends bien, serait celui de l'efficacité immédiate? Bah, c'est l'une des explications. En outre, il ne faut pas oublier que le crime organisé est le plus souvent invisible. Enfin, je veux dire, qui ne gêne pas directement la vie du citoyen ordinaire. Oui, tout se passe en coulisses, c'est ça. Et Hoover laisse faire. C'est pourquoi la mafia, grâce à Hoover, prospère en silence et s'enracine durablement aux États-Unis en corrompant politiciens et administrations. J'ai tout de même l'impression là, que vous caricaturez quand vous dites « grâce à Hoover ». Ah bah pas du tout. Tenez, au début des années 50, un sénateur, Estes Kefauver, préoccupé par la progression des activités mafieuses, se met en devoir de créer une commission nationale sur le crime organisé. Aussitôt, Hoover s'y oppose et accuse le sénateur de vouloir créer une Gestapo américaine. Gestapo, bah, de la part d'un homme qui n'hésite pas à violer les droits civiques, c'est assez audacieux. Hein, ouais, je suis d'accord. Cependant, quelques années plus tard, en 1957, je crois, dénonciation ou hasard, la police d'une petite ville de l'État de New York surgit au beau milieu d'une réunion au sommet des principaux chefs de la mafia. Ah oui, alors ça doit mettre à mal les thèses du patron du FBI. Ah bah bien entendu. Et puis l'affaire fait scandale. Ouais, alors Hoover est obligé de réagir quand même. Ah oui, alors en grande hâte, il décide la création au sein du FBI d'un service spécialement chargé du crime organisé. Enfin. Ouais, mais il n'affecte à cette division que 4 agents. C'est notoirement insuffisant, même si, en principe, ces policiers fédéraux peuvent s'appuyer sur les bureaux locaux qui sont chargés d'identifier les gangsters qui opèrent dans leur secteur. En fait, vous l'avez compris, Hoover ne se donne pas les moyens de lutter sérieusement contre la pieuvre. Et on va en avoir encore une nouvelle preuve en 1960. Racontez, que se passe-t-il ? Robert Kennedy reprend à son compte l'initiative de son collègue Kefauver. Mais il est aussitôt contré par Hoover qui mobilise les sénateurs les plus conservateurs. Et à cette occasion, le directeur inamovible de FBI explique que la lutte contre le crime organisé relève des seules polices locales. Ouais, il se défausse, quoi. Et il refuse d'engager une bataille frontale contre la mafia italo-américaine. Oui, mais attendez, il y a quand même eu quelques arrestations de grosses pointures de la mafia. Certes, certes. Enfin, la plupart du temps, ces hommes ont été donnés par les leurs. Quoi, pour s'en débarrasser? Et puis, de temps en temps, il fallait bien donner des gages à la police. Mais attendez, Lucky Luciano, là, qui a été emprisonné avant-guerre. Hein, oui, bah, lui, il a été victime d'un procureur particulièrement vindicatif. Mais ça ne l'a nullement empêché de continuer à diriger ses affaires depuis sa cellule. Enfin, je poursuis. 3 ans après le revers de Robert Kennedy, coup de théâtre. Un membre de l'une des principales familles de la mafia se met à table. Joey Valachi, soldat du clan Genovese, condamné pour trafic de drogue, puis accusé d'avoir assassiné l'un de ses co-détenus, révèle tout ce qu'il sait. On découvre alors que la mafia est une puissante organisation nationale très bien structurée. Ce qui était quand même un secret de Polichinelle, non ? Que seul Hoover s'entêtait à ne pas reconnaître. Et Bobby Kennedy, devenu ministre de la justice de son frère, JFK, tient sa revanche. Il oblige le FBI à enquêter sérieusement sur le crime organisé. Les effectifs des agents chargés de cette tâche sont décuplés. Et on enregistre les premiers succès à Chicago et New York. Mais John Kennedy est assassiné quelques mois plus tard. Et bien vite, le FBI retourne à ses mauvaises habitudes. La passivité. Oui, il faudra attendre la mort de Hoover en 1972 pour que le FBI reprenne la lutte. Ah, il est peut-être temps de m'expliquer. En réalité, Hoover et la mafia avaient passé une sorte de pacte de non-agression. Oui, ça d'accord, j'avais compris, mais pourquoi ? Hoover, qui ne dédaignait jamais d'utiliser le chantage pour arriver à ses fins, était lui-même victime d'un chantage. Ah. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Jean-François Guéraud a écrit un livre très documenté sur la mafia. Il s'est intéressé au rapport entre Hoover et le crime organisé. Et il nuance le propos de Monsieur X, je le cite. En fait, John Edgar Hoover nia probablement l'existence de Cosa Nostra afin de ne pas être confronté à un adversaire jugé hors de portée pour son service. La tâche pouvait apparaître fort intimidante. Cosa Nostra disposait alors d'une puissance telle qu'elle se trouvait en position de mettre en échec un service de police fédérale aussi jeune et inexpérimenté que le bureau. Car la passion anticommuniste et la détestation du mouvement des droits civiques, Martin Luther King par exemple, ne peuvent à elles seules expliquer l'attitude de Hoover. Dans l'histoire de cet échec, John Edgar Hoover est autant un symbole que le symptôme d'une faillite globale. Son histoire personnelle ne constitue qu'une partie de l'explication. C'est tout un système politique, président, ministre de la Justice, gouverneur, maire, etc. et judiciaire, dont le comportement apparaît rétrospectivement douteux. En fait, il n'existe à cette époque aucun consensus, ni aucune prise de conscience profonde pour lutter contre une organisation pénétrante et redoutable, donc négligée. Fondamentalement, les États-Unis ne ressentent pas alors de vrai malaise face au crime organisé. La libre entreprise est un tout. Cosa Nostra aimait autant l'argent et l'anticommunisme que l'establishment américain. Au fond, le crime organisé faisait déjà partie de l'American Way of Life. Le livre de Guéraud Le Monde des Mafias, a été publié par Odile Jacob. Alors ce chantage-là? Bah écoutez, je ne vous surprendrai pas en vous disant que ce chantage portait principalement sur la vie privée d'Edgar Hoover. Et son homosexualité? Oui, mais pas seulement sa liaison avec son adjoint, Clyde Tolson. Liaison qui était connue de tous, puisque les deux hommes étaient toujours ensemble. Non, il s'agissait de sujets un peu plus délicats, ou plus imprudents, comme vous voudrez. Ah ben, cessez de tourner autour du pot, là, de quoi s'agissait-il? Edgar Hoover aurait eu un goût assez prononcé pour le travestissement. Et au cours de parties fines, dans un luxueux hôtel de Washington, il aurait été photographié dans des situations très compromettantes. Oui, je remarque que vous en parlez quand même au conditionnel. Oh, hein. Pas naturellement. Dans ce genre d'affaires, il est difficile de réunir des preuves. En tout cas, des photos seraient tombées dans les mains de la mafia. Bon, vous comprenez mieux maintenant. Mais si je ne dispose pas de preuves, je peux quand même citer le propos d'un des patrons de la mafia, le célèbre Meyer Lansky, l'alter ego de Lucky Luciano. Un jour, il s'est vanté d'avoir ouvert dans sa poche. Ah, ça, c'est un effet troublant, hein. Ben, les parrains de la mafia, dont Frank Costello, qu'il fréquentait, avaient aussi un autre moyen d'avoir pris ce Hoover. Enfin, ça, je crois vous l'avoir dit la semaine dernière. Le directeur du FBI nourrissait une véritable passion pour les courses de chevaux. Oui, il se rendait pratiquement tous les jours sur les champs de course. Hein. Oui, et il pariait, beaucoup. De grosses sommes, vous voulez dire? C'est ça. Et il lui arrivait souvent de perdre. Il était donc tentant pour les gens de la mafia qui avaient la haute main sur ses activités hippiques. Et qui étaient susceptibles surtout de truquer les courses. Naturellement. Je pense, hein. Donc il était tentant, disais-je, de donner des tuyaux à Hoover. Ou même de lui faire passer discrètement de l'argent par les bookmakers, qui étaient tous affiliés à la mafia. Car il avait aussi la réputation d'être pingre. Et vivait généralement sur le dos du FBI. Eh ben, décidément. Mais ses fréquentations étaient forcément dangereuses. Car en retour, inutile de vous faire un dessin, on pouvait lui demander de petits ou même de grands services. Et pour vous alors, vie privée et passion pour les courses expliquent pourquoi le directeur du FBI ne s'est jamais attaqué de front à la mafia? J'en suis persuadé. Or, techniquement, la police fédérale avait les moyens de porter des coups très durs aux crimes organisés. C'est-à-dire? Au fil du temps, Hoover avait doté ses services de moyens d'espionnage très perfectionnés. Ces agents savaient poser des micros pratiquement indétectables ou des écoutes téléphoniques tout aussi discrètes. Il y avait même au FBI des spécialistes des cambriolages invisibles. Des procédés illégaux, bien sûr, car en général, ils n'étaient pas effectués sous le contrôle de la justice. Mais Hoover s'est toujours gardé d'utiliser ces techniques lors des enquêtes sur la mafia. Non, il les a réservées à la surveillance des activités des organisations subversives. Jugé ainsi selon son point de vue. Bien sûr. Ainsi, il a mis sur écoute et espionné longuement Martin Luther King, à qui il vouait une véritable détestation. Alors, pour quelle raison précisément? D'abord parce que c'était un noir, évidemment. Ensuite, parce qu'il estimait que son combat pour les droits civiques dissimulait une activité communiste. Alors, il l'a espionné, il a même essayé de briser son couple en faisant savoir à son épouse que Martin Luther King multipliait les aventures extra-conjugales. Ce qui était vrai? Bien sûr, mais ça n'avait rien à voir avec la lutte qu'il menait par ailleurs. En tout cas, Hoover lui-même, victime de ce chantage de nature sexuelle dont je vous ai parlé, se servait donc de ces mêmes armes. C'est pourquoi John Kennedy, qui menait une vie amoureuse agitée, n'a jamais pu virer Hoover comme il en avait pourtant fermement l'intention. Le directeur du FBI savait tout des nombreuses fredaines présidentielles. Avec Marilyn Monroe, par exemple, ou bien relation encore plus embarrassante pour un président des États-Unis avec une certaine Judith Campbell, qui était en même temps la maîtresse d'un parrain de la mafia. Ouais. Et tout cela venait grossir naturellement les fichiers du FBI. Et surtout le fichier personnel de Hoover, car certains dossiers demeuraient enfermés dans son coffre. Des dossiers qu'on ne retrouvera pas à sa mort. Oui, mais j'imagine qu'ils n'ont pas dû être perdus pour tout le monde. J'en suis persuadé aussi. Quoi qu'il en soit, le directeur du FBI a aussi mené des actions de plus grande envergure. Avez-vous déjà entendu parler du programme COINTELPRO? Ça me dit quelque chose en effet, mais enfin précisé. Hein. COINTELPRO, ça veut dire Counter Intelligence Program, c'est-à-dire programme de contre-espionnage pour simplifier. L'objectif, c'était non seulement de surveiller, mais aussi de combattre concrètement tous les éléments susceptibles de menacer les intérêts américains. Alors, on y trouvait pêle-mêle des communistes, des trotskistes, des portoricains, partisans de l'indépendance de leur île, des associations pro-castristes, et bien sûr, des groupements noirs extrémistes. Mais quels moyens utiliser alors dans ce programme-là ? Bon, c'est simple, la désinformation, le mensonge, l'insinuation. Un exemple, Jane Fonda, ardente militante de l'opposition à la guerre du Vietnam. Un agent du FBI informe un chroniqueur d'un journal de Hollywood que l'actrice a pris contact avec le mouvement radical des Panthères Noires. Au cours d'une réunion, elle a appelé à l'assassinat du président. C'est bien sûr faux. Pas complètement. Mais si cette fausse information est publiée, ça risque de porter un tort professionnel considérable à l'actrice. Ah oui, je comprends. Alors c'est ça, co-intel pro. Et vous imaginez bien que lorsqu'en 1968, les campus états-uniens vont s'enflammer, le programme va tourner à fond. Les militants étudiants gauchistes vont être particulièrement visés. Diffusion de faux tracts, informations calomniatrices, lettres anonymes envoyées aux conjoints, tout est bon pour discréditer le mouvement et affaiblir ses militants. Et c'était bien le FBI qui pilotait ces opérations ? Absolument. Et ça a été très loin. Au lendemain du scandale du Watergate, une commission de la Chambre des représentants a mené une enquête. Et sa conclusion a été sans appel. Le co-intel-pro a ruiné des carrières, brisé des ambitions, souillé des réputations et même mis en danger des vies humaines. Mais à ce moment-là, au moment du Watergate, là, Edgar Hoover était déjà mort. Alors, justement, ce dangereux programme a-t-il cessé d'exister à cause du décès du directeur du FBI ? Non, il a dû être abandonné un tout petit peu avant, en 1971 précisément, et à la suite d'un très curieux cambriolage. Racontez. Dans l'état de Pennsylvanie, où l'on trouve de nombreuses universités, un petit groupe se forme. Ce sont des gens qui sont persuadés que le FBI joue un rôle nocif. Parce qu'ils ont été eux-mêmes victimes des menées des agents d'Edgar Hoover ? C'est probable. Et pour en obtenir la preuve, ils décident purement et simplement de cambrioler le bureau local du FBI. Ils prennent un risque considérable, là. Hein. Ça peut en effet leur coûter très cher, mais en pénétrant dans ces locaux fédéraux, c'est une véritable caverne d'Ali Baba qu'il découvre. Les preuves qu'il cherchait ? Oui, des fiches d'écoute et des documents qui établissent que les mouvements étudiants sont écoutés et infiltrés, et que les agents du FBI ont recueilli sur les militants, étudiants ou professeurs, des fiches personnelles où sont recueillies des informations précises et même intimes. Et j'imagine que ces gens n'ont rien de plus pressé que de rendre publique leur découverte. Bien entendu, les journaux se régalent. Et Hoover, là. Ah bah, il pique une énorme colère, mais trop tard, le mal est fait. Et Hoover, de rage, ferme une centaine de bureaux régionaux du FBI et licencie plusieurs agents. Un tel scandale aurait pu l'acculer à la démission. C'est juste, mais une fois de plus, il sauve sa peau. Et comment, alors ? Bah, le président est alors Richard Nixon. Ah oui, son ancien complice de la chasse aux sorcières. Cependant, les relations entre les deux hommes ne sont plus aussi cordiales. Nixon sait que Hoover a confectionné des dossiers contre lui. En cas où. Exactement. Et dans la vie et la carrière de celui qu'on appelle Dick le tricheur, il y a beaucoup à dire et à révéler. Et c'est ainsi que Hoover pourra encore diriger le FBI jusqu'à sa mort. Il a alors 72 ans. Et malgré tout ce qu'on ne tardera pas à lui reprocher, Richard Nixon lui fait des obsèques dignes d'un héros national. Monsieur X a-t-il noirci exagérément le portrait d'Edgar Hoover ? Non, si j'en crois cet article du Figaro, signé Dominique Borde et paru en 1994. Côté privilège, il en use et en abuse avec ses 3 limousines blindées, sa maison décorée et entretenue par les employés du FBI, ses tables ouvertes dans les grands restaurants. Mais il y a pire. Le flic intègre un vice coûteux, ses paris clandestins sur les courses de chevaux qui le mettent en rapport trop étroit avec Frank Costello ou le milliardaire Rosenstiel affilié à la mafia. On parle de ses relations douteuses et on évoque son homosexualité honteuse révélée par des photos compromettantes qui auraient permis à la mafia de le faire chanter. L'épouse du milliardaire se souvient même l'avoir vu travesti en femme en perruque et barésil dans la suite d'un hôtel. Mais si le citoyen Hoover était vulnérable, le patron du FBI était devenu intouchable. Il en savait trop sur tout le monde pour que le moindre homme politique ose s'attaquer à lui. John Fitzgerald Kennedy et ses imprudentes liaisons sera ainsi à sa merci, comme le confirme l'une de ses anciennes maîtresses, et Johnson devra beaucoup à ce dangereux protecteur qui collectionnait les fiches comme des bombes à retardement.